si le siège de la mémoire n'était pas dans notre cerveau, mais dans nos neurones, mais dans nos cellules, ça commence bien. De récentes études tentent à prouver qu'il existe une fixation épigénétique des souvenirs. De quoi est composée par ailleurs une étoile à neutrons? Les plus affûtés d'entre vous répondraient bien des neutrons. Malheureusement, comme souvent en astrophysique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on commence à y voir un peu plus clair. Et au rang des questions qui vous taraudent secrètement mais que vous n'osez pas verbaliser, pourquoi, grand Dieu, pourquoi un spaghetti cru ne casse-t-il jamais en deux mais toujours en trois, voire en quatre bouts? Ne désespérez pas, la science a des réponses. Mémoire épigénétique, étoile à neutrons et physique des spaghettis, ce sont quelques-uns des problèmes que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour répondre à toutes ces questions, la crème de la crème du journalisme scientifique et de la vulgarisation, une fois de plus réunie à cette table. Et je dois vous avouer que je rêve secrètement un jour de faire cette présentation sur la musique de Rocky Balboa. Caroline Thou. Bonjour. Caroline Thou, chef du pôle santé et médecine de magazine Science et Vie. Bonjour. Bonjour Sylvain Guilbeau. Bonjour. Le retour de l'homme de tous les défis, journaliste au magazine La Recherche, et Patrick Beau. Bonjour. Bonjour. Alias Axolotl, avec une rentrée littéraire chargée, une BD avec Fred Duhard, L'homme qui traversait les montagnes, c'est aux éditions Jungle. Un livre à paraître en octobre, nanofiction, chez Flammarion, vous nous en direz un mot tout à l'heure. Mais avant cela, nous sommes ravis, que dis-je, enchantés d'accueillir celle qui sera la nouvelle voix de vos actualités scientifiques les plus brûlantes cette saison. Vous avez déjà entendu ce rire inimitable à l'antenne de France Culture cet été. Bonjour Natacha Criou. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et bienvenue pour le Journal des Sciences. Le Journal des Sciences. Premier sujet cette semaine, on va revenir sur la déclaration de la ministre de l'Armée. C'était vendredi dernier lors de sa visite au Centre National des Études Spatiales, le CNES, à Toulouse. Oui, Florence Parly dénonçait la semaine dernière une tentative d'espionnage par satellite. Alors ce que l'on sait, en juillet 2017, Athena Fidus, un satellite militaire franco-italien, a été approché de très près par un satellite russe. Ce satellite d'écoute s'appelle Luche Olympe. Il est connu des renseignements, ses déplacements étaient déjà suspects. Il a intercepté des communications sécurisées et classifiées, mais selon la ministre, d'aucune donnée sensible. Alors l'espionnage sous une forme ou une autre, ça a toujours existé, mais là nous sommes face à de nouvelles problématiques. Notre monde dépend de nos capacités satellitaires. Chaque personne utilise en moyenne 10 satellites par jour. Nous sommes entrés dans une seconde période de la conquête spatiale, le New Space, avec des opérateurs privés et commerciaux. Le général Michel Friedling est en charge du commandement interarmé de l'espace. Il nous explique quelles sont les difficultés et les limites de ces nouveaux usages en astronautique. Dans les 10 ans qui viennent, on pense que le nombre de satellites va être multiplié par 4 ou 5. On avait aujourd'hui, un peu moins de 2000 satellites dans l'espace, actifs. On en aura pas loin de 10 000 dans 10-15 ans. Donc il y a un phénomène déjà d'encombrement de l'espace. Et ce qui pose des problèmes d'accès, bien sûr, mais de régulation de trafic. On commence à parler de régulation de trafic, de space traffic management. Il faut qu'on regarde ce qu'on doit mettre en place comme capacité à éventuellement répondre à une agression, c'est-à-dire en cas de légitime défense, être capable nous-mêmes de neutraliser un satellite qui serait agressif envers nous. Donc on peut appeler ça des armes antisatellites qui peuvent prendre différentes formes. Comme on l'a dit, ça peut être du brouillage, ça peut être de l'aveuglement, ça peut être de la désorbitation. Il faut savoir que dans l'espace, personne n'a intérêt à détruire physiquement un autre satellite parce que ça crée tellement de débris que ça peut provoquer des réactions en chaîne importantes et ça peut avoir des impacts extrêmement importants sur tous les satellites qui sont présents dans l'espace. Donc on a plutôt intérêt à développer des moyens de protection active qui soient non létaux mais qui permettent en cas de légitime défense, de neutraliser un satellite agresseur sans pour autant le détruire. Donc l'espace est un Eldorado, mais il ne faudrait pas qu'il devienne un Far West. Far West ou guerre des étoiles, en tout cas la ministre Florence Parly a déclaré par la suite que l'espace était en train de devenir un potentiel lieu de confrontation, Natacha. On peut aussi rappeler que Donald Trump envisage d'ici 2020 le lancement d'une force de l'espace, une sixième branche des forces armées. Les États-Unis mettent en œuvre des moyens afin de s'armer et pour riposter à ce type d'attaque. C'est une militarisation de l'espace par les États-Unis, mais aussi par la Russie, par la Chine. Alors, Il y avait un consensus onusien pour dire que le cosmos devait être un sanctuaire et que l'on ne devait surtout pas y introduire des armes. C'était le traité de l'espace, ratifié en 1967, en pleine guerre froide. En France, le ministère de la Défense cherche à développer ses capacités d'action et pense à l'armement. Quelles sont les stratégies spatiales de défense? Comment défendre les satellites de l'espionnage, des cyberattaques ou du brouillage? Philippe Trouchot est auteur de la cybersécurité face aux défis de la confiance. Aux éditions Audit Jacob, il est spécialiste de la cryptographie. C'est des nouvelles méthodes, mais en réalité, elles ne sont pas très nouvelles. On sait, dès qu'il y a un signal, on sait le capter et le hacker, en fait. Pirater un signal, ça veut dire le réceptionner et être capable de le transformer. Objectivement, c'est pas très nouveau. Là, ça s'applique simplement à des techniques satellitaires qui sont un peu plus complexes que les autres. C'est l'histoire de la cryptographie et c'est l'histoire du traitement du signal. On sait qu'il y a au moins un ou deux pays qui les possèdent, qui sont des techniques dites de cryptographie quantique, qui vont permettre d'avoir des émissions satellitaires inviolables. Alors, on utilise d'autres technologies qui sont plutôt basées sur des photons et on va c'est réputé inviolable parce que si quelqu'un intercepte le signal, on le sait immédiatement en fait. À l'été 2016, les Chinois avaient annoncé avoir lancé et testé leur premier satellite quantique. C'était il y a 2 ans. C'est pas des choses que les États publient, donc on peut imaginer que ça doit exister du côté des États-Unis comme de l'Europe, mais il y a peu d'informations sur ce type de sujet qui sont rendues publiques. Alors, c'est des technologies d'abord qui sont pas complètement matures, donc ça sera pas une solution à court terme. Elles sont coûteuses, plutôt réservées à des applications militaires, donc je pense pas qu'il faille se baser uniquement sur ces technologies pour se dire qu'on doit éviter une guerre de l'espace. Ces technologies, elles sont pas les ordinateurs quantiques. Je suis pas certain qu'on ait des choses très opérationnelles en dehors des centres de recherche avant 10 ou 15 ans. Hein. Donc on a besoin de résoudre, alors cette fois-ci au plan géopolitique, j'imagine, ce problème de l'escalade de l'armement dans l'espace avant d'avoir de la cryptographie quantique. En bref, maintenant, la SNCF a déclaré préparer des prototypes de trains entièrement automatisés. Depuis janvier dernier, 2 consortiums dirigés par la SNCF et Railnium, l'Institut de Recherche Technologique, ont ouvert dans le nord de la France. Alors, dès 2021, la SNCF prévoit l'automatisation d'un TER et un train de marchandises autonome, téléconduit par un conducteur à distance, ce qu'on appelle les trains drones. L'objectif est de fluidifier le trafic, mais aussi de densifier le nombre de trains. La SNCF pense passer de 13 TGV par heure à 16 sur les lignes les plus utilisées. Avec des technologies empruntées aux voitures connectées, à long terme, la société espère une automatisation totale du réseau. Selon l'un de ses représentants, cela serait possible à partir de 2025. Et du côté voiture, cette fois, le patron de Tesla, Elon Musk, vient de nommer un Français, Jérôme Guillen, à la direction des activités automobiles. Cet ingénieur français de 45 ans et natif d'Avignon, entrepreneur de la Silicon Valley il y a 8 ans, on le surnomme Mr. Innovation. Avec cette nomination, il devient le numéro 2 de Tesla, le spécialiste californien de véhicules électriques, au moment où la firme traverse de sérieuses turbulences en bourse. Et le deuxième sujet de ce journal des sciences, c'est ce bateau Ocean Cleanup qui est parti de San Francisco samedi dernier. Le navire a pour mission, on en avait déjà parlé ici, de nettoyer les mers, Natacha. Alors c'est une opération inédite qui est en préparation depuis 5 ans. C'est une initiative de la Ocean Cleanup Foundation, fondée par Boyan Slat, un ingénieur aéronautique de 24 ans. Le navire est actuellement en direction de la mer Plastique, une décharge à ciel ouvert dans l'océan Pacifique. Le concept est simple, mais c'est une nouvelle technologie. C'est un flotteur long de 600 mètres qui se déploie et crée une barrière en forme de U avec une jupe imperméable de 3 mètres de profondeur. Ça ramasse les déchets flottants, un peu comme un râteau. Mais ce n'est pas un filet, hein. Le système a été dessiné pour que les poissons puissent passer en dessous. Alors, en 5 ans, la Fondation espère récupérer au moins la moitié du continent plastique, un 7e continent que l'on estime 3 fois plus grand que la France. C'est en test, il s'agit de voir si la bâche résiste en pleine mer et s'il n'y a pas d'impact sur la faune et la flore. Laurent Le Breton, océanographe en chef de l'Ocean Cleanup, nous explique les autres difficultés de ce projet. On récupère avec un filet les débris qui sont accumulés à l'intérieur. On les ramène après sur Terre. Donc là, c'est un autre problème, c'est légalement. C'est que ça n'a jamais été fait en amont, c'est-à-dire ramener des déchets des eaux internationales sur Terre. Donc c'est tout un problème. Pour l'instant, l'idée, c'est de le ramener en Europe et on essaye de voir ce qu'on peut faire avec. On va essayer de recycler la plupart. Nouveaux objets, et le reste sera sûrement transformé en énergie. Et alors, est-ce que c'est vraiment possible de nettoyer complètement un océan ? de plastique, non. L'un des gros problèmes, c'est que ces débris plastiques, en fait, se dégradent au fur et à mesure avec le soleil, les vagues, l'oxydation, et se dégradent en microplastique. Et donc, le microplastique, ça, c'est vraiment le gros risque. C'est des toutes petites particules de plastique qu'on trouve dans les intestins de beaucoup de poissons en mer. Et on trouve ces microplastiques de l'océan Arctique, à l'océan Antarctique, à la surface, sur la colonne d'eau et au fond des océans. Donc vraiment, notre idée, c'est d'essayer de récupérer le plus de plastique possible avant que ça dégrade justement en microplastique et ainsi essayer de limiter la casse. On estime qu'il y a à peu près 80 000 tonnes de plastique qui flottent à la surface de l'océan. Et ça représente, d'après nos calculs, 1,8 trillion, c'est 1,8 million de millions de pièces de plastique qui flottent au milieu de l'océan. En bref, si vous avez vu le dessin animé Rio, vous vous souvenez peut-être de ce personnage, le perroquet bleu, un ara de Spix. Eh bien, c'est une des 8 espèces d'oiseaux qui vient de disparaître, Natacha. Et Blue est officiellement classé parmi les espèces disparues et éteintes à l'état sauvage. 60 et 80 spécimens sont encore en vie, mais ils sont en captivité. Dans un communiqué, l'ONG BirdLife a annoncé « Nos chiffres montrent qu'il y a une vague croissante d'extinction sur le continent, entraînée par la perte d'habitat due à une agriculture intensive, au drainage et à l'exploitation forestière. » Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 13 000 hectares de surface boisée disparaissent chaque année. L'Organisation mondiale de la santé a publié avant-hier son rapport sur la santé en Europe. L'OMS prévoit pour 2018 9,6 millions de décès dus au cancer. C'est un homme sur 8 et une femme sur 11. 18,1 millions de nouveaux cas vont se déclarer cette année. Selon l'organisation, c'est une progression alarmante. Le cancer du poumon reste le cancer le plus meurtrier au monde. Et on finit comme chaque semaine par notre rubrique de science improbable. Et puis c'est la moisson, puisque comme chaque année à cette époque, ce sont les prix Ig Nobel pour les prix ignorants. Cette parodie des prix Nobel, la cérémonie s'est tenue, la 28e cérémonie s'est tenue hier à l'université de Harvard, Natacha. Oui, l'événement récompense le monde des sciences et ses recherches les plus improbables. C'est des études académiques au sujet atypique. Alors parmi les 10 lauréats, le prix de médecine a récompensé l'étude sur l'efficacité des montagnes russes pour faire passer les calculs rénaux. L'Ig Nobel de chimie revient à l'étude sur le niveau de salive nécessaire pour en faire un bon nettoyant. Le prix d'éducation de médecine a salué une autocoloscopie en position assise. Et mon préféré, l'Ig Nobel de nutrition, a été attribué à l'étude qui prouve que le cannibalisme est moins nourrissant que les régimes alimentaires classiques. Dans cette recherche sur l'anthropophagie au paléolithique, il est démontré que la chair humaine était moins nutritive que celle d'un mammouth et que l'humain fait partie des viandes les moins caloriques. Personnellement, je trouve ça bon à savoir. Oui, ben ça va m'obliger à changer mon régime alimentaire, ce qui m'ennuie tout de même. Ça fait longtemps que je m'y étais habitué. Merci beaucoup pour ce premier journal des sciences, Natacha. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous restez avec nous. On va faire un petit tour de table. D'ailleurs, on va reparler à Patrick Beau tout à l'heure d'un des anciens prix Nobel, Ig Nobel de 2006 sur la brisure des spaghettis. Absolument, voilà. Parce que c'est souvent les sujets les plus absurdes en apparence qui ont les implications les plus importantes. Mais c'est ça, on verra tout à l'heure. Les énoncés ont l'air comme ça très légers, etc. Mais il y a de la vraie science dure derrière. Mais on va revenir aux autres actualités scientifiques de la semaine. Peut-être, je ne sais pas, Caroline. Oui, alors à propos de cette histoire de satellite, vous l'avez évoqué, il y a vraiment énormément de débris spatiaux, des centaines de millions de débris qui sont autour de la planète. Et dans Science et Vie, dans le numéro qu'on sort justement, on a fait un papier sur les premiers essais du camion poubelle de l'espace. C'est une petite machine, c'est un petit camion poubelle encore, ça va pas nous solutionner tous les problèmes de débris, mais qui a été lancé en fin juin et qui est en phase de test. L'idée, c'est soit d'attraper en filet, soit de harponner ces débris et de réussir à s'en débarrasser comme ça. Donc c'est vraiment un sujet de préoccupation. Puis c'est aussi ce que vous disiez, ça n'arrête pas, qu'on n'arrête pas d'en envoyer. C'est qu'un début, donc il va bien falloir faire quelque chose avec tous ces débris. C'est un peu l'équivalent d'Ocean Cleanup, mais pour le... Exactement, ouais, on reste dans les poubelles. Voilà. Sylvain, oui, sur cette histoire rebondir sur ce sujet, sur cette histoire d'espionnage, c'est vrai que... alors, bien sûr, je connais pas les détails, puisque bon, c'est des sujets militaires, mais c'est vrai que l'important, comme le disait l'intervenant dans le reportage, c'est le côté cryptographique. C'est-à-dire, pour éviter la perte d'informations ou le vol d'informations qui transitent par ces satellites, l'important, c'est que ces données soient cryptées. Et l'intervenant parlait de cryptographie quantique. Effectivement, les Chinois ont testé pour la première fois l'année dernière un protocole de cryptographie qui permet, en théorie, d'être inviolable. C'est-à-dire que même si l'utilisateur, même si l'espion arrive à capter des informations, il n'en a, d'une part, il ne pourra en tirer aucune information, et d'autre part, celui qui a été victime du vol d'information pourra l'identifier directement. Alors, je corrige juste un petit point, c'est que sur pour faire de la cryptographie quantique, on n'a pas besoin de disposer d'un ordinateur quantique. On a besoin de disposer de sources de photons assez sophistiquées, mais ça, on en dispose actuellement. Alors, ça reste très difficile à mettre en place dans l'espace. Les débits actuels, ce que les Chinois ont réussi à faire, sont vraiment très limités. On peut vraiment pas s'en servir à l'heure actuelle pour faire du transfert de haut débit. Mais c'est quelque chose qui est fonctionnel et je suis sûr que les militaires pensent à ça très fort. On va vous remettre, on avait parlé longuement avec vous d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, de ce sujet-là dans une des émissions du vendredi. On va remettre le lien. Patrick, il y a quelque chose qui vous fait réagir ? Oui, moi je voulais revenir sur la disparition de ce perroquet bleu qui a inspiré Rio. Alors, c'est vrai qu'on entend régulièrement des nouvelles tristes de ce genre qui témoignent d'une vraie crise dans la biodiversité. Mais il arrive qu'il y ait des nouvelles positives. Donc il y en a une qui est tombée il n'y a pas très longtemps de ça, quelques semaines il me semble. Le fait que la panthère de Perse a été réintroduite dans le Caucase. Donc la panthère était une espèce en voie d'extinction dans cette région-là. Et oui, il y a quelques semaines de ça, un couple a été réintroduit. Et on l'appelle aussi le léopard iranien. Donc voilà, parfois il y a aussi des nouvelles positives. Il y a des efforts qui sont faits là-dessus. Alors un peu de positivisme sur la biodiversité. C'est vrai, quand on parle de biodiversité, on a souvent un peu de mal à voir les choses très en rose. Peut-être un mot aussi sur cette entreprise Ocean Cleanup. Ça fait longtemps qu'on se dit, qu'on constate effectivement les dégâts du plastique dans les océans. Enfin, peut-être une façon, Caroline, de commencer à entreapercevoir un début de solution à ces vortex de plastique, puisqu'on parle souvent de celui du Pacifique Nord, mais il y en a partout. Il y en a dans l'Atlantique. Il y en a même maintenant, je crois, dans l'océan Indien. Toutes ces initiatives sur le recyclage, la récupération des plastiques, c'est évidemment extrêmement positif. Il ne faut pas que ça cache la forêt qui est la production, en fait. C'est vraiment devenu le cheval de bataille et de plus en plus, les États prennent conscience de ça. Pas forcément en France, où on a un plan d'augmentation du taux de recyclage qui a été annoncé par le gouvernement. On est encore, nous, sur une vision du recyclage, alors que vraiment, la bataille... Désormais, celle qui doit être menée, c'est celle sur la production. C'est arrêter de produire, c'est les initiatives comme l'interdiction des sacs en plastique, des pailles qui va bientôt... D'éviter entrer. De multiplier aussi les types de plastiques différents dont on n'arrive pas à se sortir quand il s'agit de les recycler, parce que c'est des mélanges de résine, de plastique, on n'y arrive pas. Donc vraiment, au niveau de la production, dès le début, il faut y penser. Il est 16h17, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Comme un vendredi sur deux, c'est notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Et donc, le premier gros dossier de cette émission, si la mémoire n'était pas tout à fait où on pense qu'elle est, on vous en avait parlé d'ailleurs ici même de cette expérience assez déroutante sur des escargots de mer à qui on avait réussi à transférer une certaine forme de mémoire d'un individu à l'autre par l'injection d'ARN messager. Cette expérience rouvre une porte qui avait été entrouverte en tout cas il y a assez longtemps, mais faute de résultats plutôt refermés. Celle d'une mémoire épigénétique, Caroline, c'est-à-dire une mémoire dont le siège ne serait pas tant dans notre cerveau que vraiment au cœur de nos cellules. Au cœur de nos neurones, oui, tout à fait. C'est vrai que l'expérience dont vous avez déjà parlé, si je peux, oui, peux la sûr, raconter, parce que c'est vrai qu'elle vaut son pesant d'or, celle-là. C'est une expérience qui a été menée donc aux États-Unis par David Glanzman, qui est à l'Université de Californie. L'expérience est assez simple, il prend une sorte de limace de mer, d'escargot de mer, il lui apprend à se méfier d'un choc électrique, à rétracter une partie de son corps quand le choc électrique est émis, et puis quand le choc électrique va être émis, il y a un système qui la prévient, et donc tout de suite elle va en réaction essayer de se protéger. Donc elle apprend à faire ça, cette limace de mer, et puis on ponctionne dans son cerveau, vous l'avez dit, des molécules très précises dans ses neurones, une sorte de soupe qu'on injecte à l'intérieur d'une limace qui passait par là, qui elle n'a rien appris, n'est pas au courant de cette histoire de choc électrique, normalement n'est pas censée se méfier. Sauf que quand on lui a injecté à elle dans ses neurones cette soupe issue de la limace qui avait appris quelque chose sur le choc électrique, ben, en quelques heures, on la voit, cette limace, comme si elle avait ce souvenir qui était imprimé en elle. Et donc, dès que le choc électrique peut la menacer, et ben elle va se rétracter aussi. Donc on a vraiment transmis un souvenir précis en une seule injection, sans passer, notamment, et c'est là le cœur de cette nouvelle théorie de la mémoire, sans passer par le réseau. C'est-à-dire qu'actuellement, et c'est ce que David Glanzman propose de révolutionner, on a une vision de la mémoire en réseau, comme des interconnexions entre neurones qui seraient le support physique de nos souvenirs. Et lui vient en opposition à ça, forcément totalement en opposition, en tout cas vient... En complément, disons. En complément, titiller sérieusement le modèle, en tout cas le dogme, en disant non, il y a visiblement au cœur de nos neurones, autour de l'ADN, j'imagine qu'on va en reparler bien précisément, sûr. Oui, il y a quelque chose là qui est l'étoffe de nos souvenirs. C'est là que se cachent nos souvenirs. Alors, avant d'aller plus loin, il faut repréciser, parce qu'on va parler d'épigénétique, peut-être un peu de ce que c'est que l'épigénétique, c'est-à-dire finalement cette forme d'apprentissage par les facteurs extérieurs qui conditionnent l'ADN, qui conditionnent les gènes et l'expression des gènes. Voilà, alors, bon, l'ADN, on commence tous à bien savoir ce que c'est. On sait que c'est une chaîne de molécules en forme d'hélice qui contient les gènes et qui est quelque chose qui est transmis et de façon assez solide. En tout cas, voilà, c'est le support de l'hérédité, c'est ce qui nous est présenté maintenant à l'école, on sait tous ça. L'épigénétique, qui commence quand même à être aussi un concept qui est expliqué et un peu plus connu, c'est tout ce qui concerne ce qui se passe autour de la molécule d'ADN, autour de sa structure. Donc on ne change pas les gènes, on ne change pas la molécule d'ADN, mais on change la façon dont elle est en 3D, par exemple, et la façon aussi dont cet ADN va être utilisé par la cellule, va être utilisé par l'usine cellulaire pour produire des protéines, par exemple. Donc en changeant le code moléculaire autour de l'ADN... La configuration de ces brins d'ADN, en fait. Voilà. Exactement, on peut changer la façon dont une cellule utilise son ADN. C'est ça l'épigénétique. Et alors, quel est le lien justement que fait David Glanzmann et son équipe entre les mécanismes de mémorisation et l'épigénétique? Parce que c'est assez précis, hein. Il pense qu'il y a vraiment différentes étapes de fixation de la mémoire via des processus dits de méthylation, c'est-à-dire de repliage, de dépliage de l'ADN. Il y a différentes façons de faire de l'épigénétique autour de l'ADN, donc de la biochimie complexe. Je ne suis pas certaine que ce soit forcément important de retenir les différents mots qui forment ces réactions épigénétiques. Il faut simplement savoir, c'est qu'il y a comme si on avait plusieurs clés pour modifier la structure épigénétique de l'ADN. Et toutes ces différentes clés, tous ces différents codes, en fait, permettent d'avoir un grand éventail de possibilités pour imprimer des souvenirs. Parce que c'est vrai qu'a priori, on peut se dire, ça voudrait dire quoi? Il y aurait un souvenir sur une molécule d'ADN dans un neurone. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on en a assez? En fait, là, c'est vraiment en explorant la façon dont fonctionne l'épigénétique qu'on s'aperçoit que c'est suffisamment pléthorique pour permettre d'inscrire des de souvenirs et les souvenirs qui font la richesse de nos vies à l'intérieur autour de l'ADN. Mais alors du coup ce qui est un peu compliqué à concevoir, c'est parce que le mot souvenir, la notion de souvenir, c'est une notion très floue, très vague. Comment est-ce que ça peut être retranscrit vraiment à la racine de notre code génétique, à l'expression donc de certaines protéines qui elles-mêmes vont conditionner certains types de comportements ou... Eh ben on tâtonne, hein. Donc là on a typiquement les chercheurs tâtonnent, ils font typiquement des expériences, celle que je vous ai racontée là qui est assez sidérante de David Glanzmann, mais là il sait ce qu'il va chercher, il va prendre une forme d'ARN, donc il sait quel type de molécule il va chercher dans les neurones et il sait que ce sont des molécules qui interviennent dans le processus épigénétique. Donc là il arrive à démontrer qu'en prenant ces molécules qui sont en lien avec l'épigénétique, eh ben il arrive à transférer un souvenir, ni plus ni moins, chez un autre individu. Donc typiquement ça on le sait, mais il y a eu aussi des expériences avant, qui était hyper troublante. Encore une expérience qui, aux États-Unis, c'était un biologiste qui, dans les années 60, s'aperçoit que quand on coupe la tête d'un ver, un platelminthe qui se régénère, il arrive quand même à garder certaines formes de souvenirs. On peut lui apprendre des choses, sa tête va repousser. Les vers plats qu'on coupe en deux et qui créent deux individus. Il y a même une expérience encore pire où on a fait manger un broyat de cerveau à un ver, à un de ses petits camarades, et là, le ver s'est souvenu de choses que son petit camarade avait appris avant qu'il le mange. N'essayez pas de faire de broyat de cerveau avec vos amis, si vous voulez ingérer vos sous, c'est pas encore très très clair. Hein. En tout cas, c'est pas tout à fait clair. Attendez quelques années encore. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en tâtonnant comme ça au fur et à mesure, on s'est approché de l'explication épigénétique. Parce que ces fameuses expériences qui ont pu exister avant, alors le broyat de cerveau, ce genre de choses, on était face à des observations pour lesquelles on n'avait pas de réponse. Et typiquement, les connaissances en épigénétique viennent permettre d'expliquer ces choses qu'on avait observées sans les comprendre. Voilà, c'est en faisant ces deux bouts de chemin de la méthode scientifique qu'on s'aperçoit que ça pourrait bien être l'épigénétique la solution. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait longtemps qu'on suspecte qu'il y a d'autres formes de mémorisation outre la mémorisation consciente et qu'on observe d'ailleurs ça chez certaines espèces animales sans pouvoir bien l'expliquer. Et ce serait effectivement une façon d'expliquer ces transmissions de mémoire sans expérience, en fait. Oui, alors depuis la fin des années 40, à partir du moment où on théorise vraiment la mémoire qui serait stockée sur un réseau, qui est vraiment donc le début de cette explication hein, d'une mémoire neuronale et d'une mémoire en réseau, il y a quand même des histoires dans la nature qui résistent à cette proposition. Deux qui sont très connues. Il y en a une qui concerne les papillons. les larves, les chenilles qui deviennent de beaux papillons. Ben, comment est-ce qu'on peut expliquer que, alors que la configuration de leur cerveau va être complètement révolutionnée, qu'il n'y aura plus de connexions qui correspondront, comment est-ce qu'une larve ou une chenille peut transmettre le souvenir à un papillon? Il y a des expériences qui ont été menées sur le goût de certaines feuilles, de certains nectars, qui sont transmis comme ça de la larve jusqu'au papillon. Et ça, on ne comprenait pas, ça ne peut pas être le réseau, puisque lui, il ne subsiste pas. Il faut préciser que dans la transformation, dans la chrysalide, vraiment le réseau neuronal du papillon est totalement explosé, reconfiguré. Il ne reste plus rien. Voilà. On change tout. C'est, voilà, c'est une bouillie qui se réorganise. Donc c'est forcément moléculaire, c'est forcément autre chose que le réseau qui se passe là. Et il y a une autre expérience aussi. Il y a une autre observation qui est connue, c'est un petit écureuil qui hiberne entre la marmotte et l'écureuil. Et il, pendant cette longue période d'hibernation, son réseau s'atrophie en grande partie. Et pourtant, il va retrouver des souvenirs dont on imagine, on ne comprenait pas pourquoi, justement, comme le réseau avait été extrêmement abîmé, comment il était possible que les souvenirs aient survécu. Là encore, ce type d'observation vient parfaitement s'imbriquer dans une explication moléculaire, épigénétique de la mémoire. Et puis ça pourrait également apporter des réponses à ce dont on a parlé ici, c'est-à-dire la mémoire végétale, puisqu'on sait qu'il y a des mécaniques, on en avait parlé avec vous d'ailleurs je crois, de cette intelligence des plantes et de ce souvenir de la graine qui se souvient de l'hiver, donc on a du mal à expliquer. Pour le coup, si la mémoire est moléculaire, il y aurait un sens là-dedans dans de l'information transmise autrement que via des réseaux ou des synapses et des impulsions électriques. Oui, Jean-Baptiste Verrieras, qui est le journaliste qui a travaillé avec Science et Vie sur le dossier, il avait aussi travaillé en effet sur la mémoire des plantes, c'est un terme qu'on utilise. On pense vraiment que les plantes ont une façon, en effet, de se souvenir de changements climatiques, d'événements. Il y a une possibilité de transmission de cette information-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne dit pas que les plantes ont des neurones. Hein. Ça, c'est clair. Ça, non. Non. Par contre, elles ont une façon de mémoriser les choses, une sorte de mémoire moléculaire universelle. Et au fond, si on y réfléchit, si on part des expériences de David Lanzmann et des propositions qu'il a pu faire, on se dit que cette mémoire universelle, elle a été optimisée par les neurones, et dans nos cerveaux, c'est une sorte de super optimisation de cette mémoire moléculaire, avec des mises en réseau, des choses comme ça, mais que quand même, la base, la brique universelle de la mémoire, au fond, on la partage aussi bien avec des plantes qu'avec des bactéries, qu'avec le blob, vous voyez. Mais parce que le blob, c'est un des exemples justement d'application de cette mémoire moléculaire. Voilà, exactement. Mmh. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, et donc sur cette vision moléculaire de la mémoire chez des organismes complexes, on en arrive à retrouver des formes simples, extrêmement simples de mémoire chez des organismes plus primaires. Oui, parce que encore une fois, on ne dit pas que les neurones ne servent plus à rien, qu'il n'y a plus de mémoire en réseau. On dit qu'il y a peut-être des briques élémentaires de la mémorisation qui se passeraient au niveau moléculaire et au niveau justement de cette méthylation de ces groupes de gènes par des ARN messagers. On ne jette pas, David Lanzmann et les chercheurs qui travaillent sur la mémoire épigénétique ne jettent pas aux orties les réseaux. Simplement, ils expliquent que le stockage se fait de façon épigénétique. Quand il s'agit de récupérer les souvenirs, quand il s'agit même parfois de les encoder, le réseau va servir. Mais c'est juste que l'essence même de nos souvenirs, l'étoffe de nos souvenirs, elle est moléculaire et elle est à l'intérieur de nos neurones, autour de l'ADN. Alors évidemment, quand on arrive sur de la recherche très fondamentale, donc il faut prendre encore une fois avec beaucoup de précautions pour le moment, parce que tout ça demande à être confirmé, à être approfondi, ce sont des hypothèses. Hein. Évidemment, néanmoins, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer des applications. Évidemment, on a envie de rêver un peu de ce que ça peut signifier, notamment évidemment dans les maladies neurodégénératives et dans les troubles mémoriels. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir accès peut-être un jour, je ne sais pas, une thérapie de mémoire en flacon, par exemple, injectable. Rêvons un peu. Faire un shoot de mémoire. Ça va plaire à Patrick. Évidemment, on est allé poser la question à des chercheurs, à des médecins, et alors assez curieusement, on a reçu des réponses qui étaient intéressantes et au fond qui allaient aussi dans le même sens. Pourquoi ? Un peu de la même façon qu'il y a eu des recherches fondamentales qui ont été menées autour de l'épigénétique et qui sont venues rencontrer une théorie sur la mémoire. Là, il y a des gens qui travaillent sur des maladies dégénératives, qui travaillent sur des modèles animaux et qui s'aperçoivent qu'en utilisant des molécules qui jouent sur l'épigénétique, on arrive à conforter la mémoire ou à l'inverse à effacer des souvenirs traumatiques. Donc on a vraiment là une science très appliquée qui vient un peu comprendre ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle vient, en s'intéressant à ce que font des équipes sur la mémoire épigénétique, ça va se consolider. Voilà, on est vraiment à un moment, c'est aussi pour ça qu'on a choisi à Science et Vie de faire le dossier en ce moment. Ça fait quelques années qu'on entendait que ça frémissait dans les laboratoires. On a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent autour de cette hypothèse et qui proposent des choses pour aller plus avant. Il y a des essais même cliniques qui peuvent commencer autour de molécules qui, au fond, dont la base du fonctionnement, c'est l'épigénétique, des molécules contre les maladies neurodégénératives. Patrick Beau, une réaction, hein ? Bah oui, est-ce qu'on peut imaginer des expériences tendant à vérifier que ce qu'on observe chez les escargots et chez les vers, c'est valable aussi chez les humains? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On ne va pas injecter, j'imagine... J'entends votre machine à fiction tourner d'ici, ça tourne à c'est mort. C'est passionnant, j'imaginais un bar dans lequel on servirait des souvenirs plutôt que de l'alcool, ce serait génial. Ah, ce serait super, ouais. On pourrait imaginer avoir des leçons pour apprendre l'anglais, vous voyez, un petit flacon injectable, apprenez l'anglais en une injection, ce genre de choses. Bon, c'est pas possible, hein, évidemment, l'essai clinique, la limitation... de l'expérimentation sur l'homme, et ça ne permet pas de faire ce genre d'expérience. Donc c'est plus là, typiquement sur la clinique, c'est-à-dire que sur des essais de molécules dont on va juger que ça peut avoir un intérêt thérapeutique, on va pouvoir petit à petit peut-être se diriger vers une sorte de manipulation. Est-ce que ce sera des molécules qui seront ingérées, qui seront injectées, qui seront... Où est-ce qu'elles seront ? Ça, il est trop tôt. C'est-à-dire la galénique, la façon dont on va les administrer, il est trop tôt. On est beaucoup trop en amont. C'est vrai que si ça a été fait sur la limace, cette injection dans le cerveau, ça fait carrément rêver. Hein. C'est sûr. Oui. Alors ensuite, la limace, on lui injecte pas des souvenirs de vacances aux Bahamas. Non. On lui injecte des souvenirs d'un stimuli, choc électrique, ouais, c'est vrai. D'un stimuli très simple. Donc encore une fois, avant d'être dans Total Recall, Patrick Beau. Déjà l'emmener aux Bahamas, la limace. Voilà. On va ralentir un peu, revenir à la recherche fondamentale, se dire que c'est une piste intéressante à explorer, mais qu'il reste encore pas mal de travail à faire. Stars de R sur France Culture à 16h35. Il n'y a pas que Kelly qui regarde les étoiles, il y a aussi Sylvain Guilbeault. Rebonjour Sylvain. Et vous ne regardez pas n'importe quelles étoiles, vous regardez en particulier les étoiles à neutrons aujourd'hui. Oui, effectivement, dans le numéro de la recherche, on fait le point avec Jérôme Marguerand qui est chercheur astrophysicien nucléaire à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. On fait le point sur ces étoiles à neutrons qui sont en fait des as étranges. En fait, les étoiles à neutrons, c'est la frontière ultime du possible en termes de densité de matière. En fait, plus dense que ça, ça n'existe pas à part de tomber dans un trou noir. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est l'étape juste avant le trou noir. Juste avant le trou noir, il y a l'étape de l'étoile à neutrons où la densité est telle que si vous en prenez seulement qu'une cuillerée, eh bien, elle pèserait plus que 30 tours Eiffel. Par exemple. Voilà. Alors déjà, peut-être dire ce que c'est, comment ça se crée une étoile à neutrons, d'où ça vient, et ensuite on essaiera de se demander ce qu'il y a à l'intérieur, mais déjà c'est quoi? Absolument. Une étoile à neutrons, en fait, c'est comme une seconde vie pour les étoiles très massives. Donc il y a plein d'étoiles qui peuplent l'univers, comme le Soleil, qui fait quand même 2 milliards de kilogrammes. Mais le Soleil n'est pas une étoile très massive. Il y a des étoiles encore plus grosses qui peuvent faire 3, 10, 100 fois la masse du Soleil. Et lorsque une étoile, le principe, c'est que c'est la compétition entre deux forces. Il y a d'une part, au cœur de l'étoile, ces réactions nucléaires où les atomes légers, principalement l'hydrogène, fusionnent, qui créent des réactions qui créent beaucoup d'énergie sous forme de lumière. C'est la lumière qui éclaire le cosmos. Et ces réactions nucléaires créent forcément une pression qui tend l'étoile à s'étendre. Et en contrepartie, il y a la gravité. Les étoiles sont très massives et cette gravité a tendance à se comprimer, à contracter l'étoile sur elle-même. Et finalement, au cours de sa vie, l'étoile balance entre ces deux forces qui sont en équilibre, la pression des réactions nucléaires et la contraction de la gravité. Sauf qu'au fur et à mesure des réactions nucléaires, de plus en plus d'atomes nouveaux se créent, les atomes fusionnent, au départ ce sont donc des atomes légers de l'hydrogène, de l'hélium, etc. Mais au fur et à mesure se forment des atomes plus lourds, jusqu'au fer, jusqu'à former du fer, qui est un élément très stable. Et une fois que du fer est formé, comme le fer est très stable, eh bien il ne va plus faire de réactions nucléaires pour se transformer en autre chose. Du coup le nombre de réactions nucléaires diminue, la pression de ces réactions diminue et la gravité commence à l'emporter. L'étoile du coup va se contracter un petit peu, sauf qu'il y a un autre mécanisme qui va reprendre le rôle de la pression nucléaire qu'on appelle la pression quantique des électrons, qui va contenir encore la gravité à un certain moment, mais à un moment donné la masse notamment de fer va être tellement forte que la pression ne va plus être suffisante et là l'effondrement va se produire. Finalement le cœur de l'étoile, qui mesure plus de 2000 km, va en quelques millisecondes s'effondrer pour ne être plus qu'un rayon de 50 km environ. C'est un effondrement rapide, colossal. Et sous cet effet, l'énergie par unité de volume va être telle que finalement les neutrons et les protons et les neutrons qui composent les noyaux des atomes au cœur de ces étoiles, eh bien vont commencer à réagir entre eux. En particulier, les protons vont absorber des électrons. Et quand le proton absorbe un électron, en fait, ça forme un neutron. Voilà, plus et moins, ça fait un neutron. Un neutron. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ces phénomènes étoiles à neutrons, puisque au fur et à mesure que la contraction se fait de plus en plus intense, de plus en plus de neutrons sont créés. C'est la neutronisation, d'où le nom étoile à neutrons. Mais bien sûr, ces neutrons vont former des états très très étranges. Finalement, une fois que la densité au fur et à mesure va atteindre plus de deux fois la densité des noyaux classiques que l'on connaît sur Terre, l'effondrement va s'arrêter. Et pour rappeler quelque chose que les auditeurs connaissent sans doute, c'est que le cœur de l'étoile arrête de s'effondrer, mais les couches extérieures, elles, continuent à s'effondrer sur ce cœur et rebondissent sur ce cœur qui est tellement dense qu'il ne peut plus rien absorber. Et cette explosion, c'est ce qu'on appelle la supernova, et qui donne ces photos magnifiques de gerbes lumineuses dans l'espace. C'est la mort officielle, l'explosion de l'étoile. La mort officielle de l'étoile massive, mais c'est une seconde vie, puisque l'étoile à neutrons qui reste, donc c'est vraiment cette petite cœur dense, puisque ce cœur dense ne mesure que quelques dizaines de kilomètres, quand vous savez qu'une étoile peut mesurer jusqu'à 1 million de kilomètres de rayon, voire plus. Là, vous avez un rayon de seulement 10 kilomètres, c'est le rayon d'une ville comme Paris. C'est très petit, mais c'est vraiment très dense, et cette étoile à neutrons, finalement, c'est le cœur de ces étoiles à neutrons est une énigme, puisqu'on sait que, du coup, il se passe des réactions étranges, mais qu'est-ce qui compose exactement ce cœur des étoiles à neutrons? C'est la frontière de la connaissance actuelle en physique nucléaire. C'est pour ça que ce sont des physiciens nucléaires, c'est-à-dire des physiciens qui étudient ce qui se passe à l'intérieur des noyaux, qui se penchent sur ces problèmes astrophysiques. Parce que les étoiles à neutrons, on a spéculé sur leur existence depuis les années 1930, justement au moment où on se demandait comment est-ce que meurent les étoiles massives. On s'est dit, il pourrait exister des étoiles à neutrons, mais à l'époque, c'était des spéculations théoriques, puisque voir des corps de 10 km qui sont situés à des distances de plusieurs dizaines d'années-lumière au minimum. Au minimum, parce que... Bien sûr, parce que dans d'autres galaxies, ça peut atteindre des millions d'années-lumière. C'est complètement impossible. On ne peut pas, d'ailleurs, aujourd'hui, actuellement encore, on ne il est impossible de voir une étoile à neutrons à l'œil nu. Mmh. On le voit de façon indirecte, on pourra en discuter. Finalement, il a fallu attendre 1967 pour qu'on, officiellement, on soit sûr de l'existence de ces astres qui sont vraiment bizarres. C'est d'ailleurs Jocelyn Bell, qui est la première astronome à les avoir découverts. Comment est-ce qu'elle les a découverts? LGM. On peut pas Little Green Man. Non, mais on pensait que c'était à l'origine un signal extraterrestre. Absolument, puisque finalement, ce qu'on observait, c'était un signal radio qui pulsait. Voilà. Jocelyn Bell observait avec des radiotélescopes, elle observait une pulsation, voilà, un signal qui se répétait à un intervalle vraiment très court, une seconde à peine. Mais très, très, très régulier. Très, très, très régulier. C'est pour ça qu'on a cru que c'était intentionnel. Voilà, son directeur de thèse, Anthony Hewish, a émis l'hypothèse que ça pouvait être des extraterrestres. Mmh. Mais bien sûr, elle a repéré une autre anomalie, et là, elle s'est dit, bon, deux signaux extraterrestres, c'est vraiment trop improbable. Mmh. Donc ça doit être quelque chose, ces étoiles à neutrons. Et pourquoi est-ce qu'elles émettent des ondes radio si rapidement? C'est justement parce qu'elles tournent sur elles très vite. C'est finalement une étoile massive tourne un peu comme sur le Soleil, tourne sur lui-même, mais assez lentement. Mais c'est un peu comme le phénomène du patineur qui, en repliant ses bras sur lui-même, tourne de plus en plus vite. C'est-à-dire que sa quantité de rotation est conservée. C'est-à-dire que si son envergure diminue, sa rotation va augmenter. Mmh. C'est ce qui se passe pour une étoile à neutrons qui tourne plusieurs centaines de fois par seconde. Et alors, du coup, ce qui était intéressant, c'est que, évidemment, comme vous l'avez décrit, Sylvain, on peut pas reproduire en laboratoire. Le niveau de densité de pression d'une étoile à neutrons, c'est impossible. On n'a pas les moyens techniques aujourd'hui de le faire. Alors, comment faire pour les étudier? C'est compliqué puisqu'on peut pas les voir, on peut pas les recréer en laboratoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Alors, on peut faire quelques simulations. Parce que c'est vrai, on a des limitations expérimentales. Mais on a aussi des limitations théoriques, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur des noyaux, donc comment est-ce que les protons, les neutrons interagissent avec aussi les quarks, donc les quarks ce sont les constituants élémentaires des protons et des neutrons eux-mêmes, et pour l'interaction qui gère toutes ces particules élémentaires, ce qu'on appelle l'interaction forte, le problème c'est qu'on sait très bien écrire les équations générales de l'interaction forte. Le problème c'est que c'est tellement compliqué que quand on veut les résoudre sur des cas réels avec cette densité de matière extrême, les équations sont tellement compliquées qu'on n'arrive pas à les résoudre, sauf à faire quelques simulations, donc des approximations. Donc avec des simulations, on a des idées de ce qui se passe à peu près dans ces étoiles à neutrons, c'est-à-dire qu'on a une idée de la structure de ces étoiles à neutrons, c'est-à-dire qu'elles auraient une atmosphère, du coup avec des éléments légers, l'hélium, l'hydrogène, puis une petite croûte à la surface où il y aurait du coup des noyaux plus lourds, comme le fer, par exemple. Puis plus on s'enfonce, plus on a des noyaux riches en neutrons. Comme je le disais tout à l'heure, c'est les neutrons issus de la neutronisation. Mmh. Et puis ensuite, on arrive à une écorce où la densité est tellement faible, forte, que les neutrons en fait deviennent libres, sont libres, et ils forment un liquide. Les neutrons seraient sous forme liquide, et c'est assez surprenant puisqu'on retrouve un phénomène qu'on connaît sur Terre uniquement en laboratoire, qui est la superfluidité. C'est-à-dire que les neutrons formeraient un liquide qui pourrait en fait s'écouler sans perte. Les neutrons, glisseraient sur eux-mêmes les uns sur les autres comme à la manière d'un liquide sans perte. Mmh. C'est une des raisons pour lesquelles les physiciens sont vraiment très, très, très excités, intéressés, bien sûr, par ces phénomènes. Vous avez zappé la partie la plus intéressante pour Patrick Beau, c'est l'effet pasta. Oui, pasta. Je voulais pas lui gâcher son chemin. Je suis obsédé par les pâtes. Mais tiens, précisons. Il y a aussi des pâtes dans les étoiles à neutrons, ou plutôt des sortes de pâtes, puisque les physiciens se sont amusés en voyant ces simulations, de voir que sous ces effets de densité extrême, les noyaux des atomes se retrouvaient eux-mêmes déformés, sous forme de membranes, sous forme de tubes. Et bon, comme les physiciens ont parfois de l'imagination, ces membranes, pour eux, ressemblent à des lasagnes, ces tubes à des spaghettis, et ils appellent ça la phase pasta, qui apparaît dans les simulations. Alors, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que cette phase pasta existe vraiment? Et pour en venir à ce qu'on peut faire vraiment en termes d'expérience sur des étoiles à neutrons, c'est justement pour tenter de savoir exactement ce qui se situe au cœur des étoiles à neutrons, l'idéal pour les physiciens, ça serait de trouver l'équation d'état des étoiles à neutrons. Alors c'est un gros mot pour dire en fait que quand un physicien veut savoir de quoi est constitué un objet sans pouvoir le disséquer, par exemple Nicolas, si je vous donne une balle, et que je vous demande de quoi est-elle constituée, sans pour autant pouvoir l'ouvrir. Comment est-ce qu'on pourrait procéder? Et bien finalement, vous pourriez prendre cette balle et la triturer, la malaxer, et voir par exemple comment est-ce qu'elle répond aux déformations, aux pressions que vous lui infligez. Et pour donner un exemple simple, si c'est un gaz, eh bien vous allez pouvoir assez facilement déformer cette balle, vous allez pouvoir formuler l'hypothèse que c'est un ballon. Si au contraire, la balle résiste pas du tout et ne se déforme pas du tout, au contraire, ça serait plutôt un solide et ça pourrait être par exemple une boule de pétanque. Bien sûr, en faisant cette expérience, mais sous les formes beaucoup plus sophistiquées, on en déduit ce qu'on appelle l'équation d'état et qui permet de déduire par l'expérience de quoi est constitué un objet. Or, pour faire ça à distance, en fait, ce dont ont besoin les physiciens, c'est de connaître précisément le rayon et la masse des étoiles à neutrons. Voilà. Et ça, c'est vraiment la frontière de la connaissance aujourd'hui. Les expériences qui se montrent actuellement, c'est de tenter de mesurer ces rayons et ces masses des étoiles à neutrons. Alors, il s'est passé quelque chose quand même d'assez pratique pour les physiciens l'année dernière. Oui. On en a beaucoup parlé ici, c'est cette fameuse détection d'ondes gravitationnelles qui n'est plus la connaissance de trous noirs, mais de deux étoiles à neutrons, et ça nous a donné beaucoup d'indices. Absolument, puisqu'en fait, ça a été finalement une espèce d'expérience astrophysique de ce que je vous expliquais à l'instant, c'est-à-dire que les astrophysiciens ne peuvent pas triturer dans leurs mains des étoiles à neutrons, mais là, l'univers leur a donné un événement intéressant, c'est-à-dire que l'univers lui-même a fait se collisionner deux étoiles à neutrons, et donc elles se sont déformées quasiment sous les yeux des astrophysiciens, et le signal qui a été transmis sous forme d'ondes gravitationnelles, en fait, puisque, bon, comme je le disais, les étoiles à neutrons sont invisibles par rayonnement. Bon, on peut les voir par rayon X, mais c'est très difficile. On ne peut pas les capter. En revanche, elles sont tellement denses et la collision de deux étoiles à neutrons est un événement tellement extrême qu'il va déformer l'espace-temps, faire propager des ondes à la surface de cet espace-temps. Et c'est cet événement qu'ont détecté les détecteurs LIGO et Virgo à l'été 2017. Et cet événement, on a pu en déduire la façon dont les étoiles à neutrons s'étaient déformées juste avant la fusion, et donc comment elles se déforment. On espère que ça va pouvoir nous donner des éléments. Déjà, ça a permis de mieux cerner la masse, qui fait 1,4 fois environ la masse du Soleil, leur rayon, qui fait, comme je le disais, une dizaine de kilomètres. L'espoir, c'est que quand les détecteurs LIGO et Virgo vont redémarrer, pour l'instant ils sont en phase d'amélioration encore, quand ils vont redémarrer au début de l'année prochaine, l'espoir c'est qu'ils puissent détecter de telles fusions d'étoiles à neutrons, peut-être au maximum entre 5 et 50 fusions d'étoiles à neutrons par an, ça serait vraiment formidable. Ce serait déjà un beau résultat. Voilà, et le plus qu'on pourrait en détecter, le plus on pourrait avoir de données sur les masses et les rayons de ces étoiles, on pourrait remonter à cette équation d'état, on pourrait finalement savoir sous quelle forme est la matière au centre de ces astres. Eh bien voilà, en tout cas, voilà, même passionnant dossier dans le magazine de la recherche ce mois-ci, à l'intérieur des étoiles à neutrons sous surveillance, pour en savoir plus et pour aller compléter un peu ce brillant exposé de Sylvain Guilbeault, c'est dans le magazine de la recherche, donc du mois de septembre. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45, eh bien, on parlait tout à l'heure de la phase pasta du noyau d'une étoile à neutrons. Nous venons d'entrer collectivement dans la phase pasta de cette émission avec Patrick Beau, puisque vous voulez faire de la pasta physique. Absolument. Donc, en fait, des spaghettis. Je me suis dit que, voilà, mes collègues avaient parlé d'épigénétique, d'étoiles à neutrons. On était dans des sujets assez légers, donc je me suis dit qu'il fallait aborder les vrais problèmes de fond. Et puis, en plus, ça coïncide effectivement avec la remise des prix Ig Nobel. On en parlait tout à l'heure. Donc, j'ai décidé de vous parler de spaghettis et notamment du fait que on ne peut pas briser un spaghetti en moins de 3 parties. Hein, c'est impossible de briser un spaghetti en 2 parties nettes. Et vous pouvez faire l'expérience chez vous. Celle-là, oui. En revanche, vous pouvez la faire. Elle est pas très très dangereuse. Vous pouvez le tenter. Prenez un spaghetti, vous verrez, c'est impossible. Vous pouvez nous envoyer des films de vos expériences sur le fil de la méthode scientifique, si vous voulez. Du moins, on croyait que c'était impossible. Et là, depuis quelques semaines, on a découvert que on pouvait le faire. Mais avant de vous expliquer pourquoi, il faut faire un petit retour dans le passé. Pour parler de Richard Feynman, donc autour de cette table, tout le monde connaît évidemment Richard Feynman, qui est un des plus grands esprits scientifiques du XXe siècle. On va vous mettre le lien vers l'émission que nous lui avons consacrée d'ailleurs, sur le fil Twitter, @lametalfc. Richard Feynman avait notamment obtenu le prix Nobel de physique en 1965 pour ses découvertes fondamentales en matière de physique quantique. Mais il y a tout de même une énigme qui a tenu Richard Feynman en échec toute sa vie, c'est celle du spaghetti qui ne se brise pas en 2 parties nettes. Et donc le physicien avait passé une nuit entière avec un collègue à briser des spaghettis pour essayer de trouver une équation qui permettrait d'expliquer ce fonctionnement-là. Et il ne l'a jamais trouvé. Mais comme en science. On a tendance à essayer d'aller au bout des choses quand on a des sujets essentiels comme cela. Après plusieurs décennies de recherche, en 2005, deux chercheurs français du laboratoire de modélisation mécanique de l'université Pierre et Marie Curie, donc qui s'appellent Basile Odoli et Sébastien Neukirch, ont trouvé l'explication du phénomène. Pourquoi le spaghetti se comporte de cette manière quand on essaie de le casser? Eh bien, quand on plie un spaghetti, donc il y a ce qu'on appelle une onde de surcourbure qui se propage le long du spaghetti, et donc les fragments qui sont déjà brisés se brisent à nouveau eux-mêmes en plusieurs petits fragments. Et donc cette démonstration leur avait d'ailleurs assuré en 2006 le prix Ig Nobel pour avoir trouvé la réponse à cette énigme donc qui turlupinait Richard Feynman dans les années 40. Et donc on pensait qu'il y avait absolument aucun moyen de casser un spaghetti en deux parts égales, mais deux étudiants du MIT, très persévérants, ont trouvé la solution. On vous met à l'instant la vidéo pour voir, pour essayer de comprendre justement cette onde de surcourbure et voir un spaghetti se casser au ralenti, ce qui est un spectacle assez émouvant. Ce qui est miraculeux, c'est ça qui est intéressant, parce que si par exemple on montre à une personne un spaghetti se casser en deux, a priori il n'y aura pas de réaction particulièrement ébahie. Or, c'est quasiment un miracle physique. Donc comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce résultat? Alors déjà, ces deux étudiants s'appellent Ronald Esser et Vishal Patil, et donc pendant des heures et des heures, ils ont trituré des centaines et des centaines de spaghettis grâce à des dispositifs de leur conception, donc des pinces qui imprimaient des rotations à ces spaghettis et des courbures également. Et donc, ils ont découvert que en courbant un spaghetti à 300, en le courbant à 360 degrés et en le torsionnant à 360 degrés et en lui donnant une petite courbure, finalement le spaghetti réussissait à se casser en deux. Et effectivement, donc ils ont filmé tout ça avec des caméras à grande vitesse pour vraiment saisir l'instant où le spaghetti donc finit par rompre. C'est un instant émouvant de la rupture du spaghetti en deux. Absolument, qui est historique, hein, on peut le dire. Et donc le professeur associé, co-auteur de l'étude, donc Jörn Dunkel, explique pourquoi ce miracle a été obtenu. Parce que la force de torsion, en fait, se propage plus rapidement que cette fameuse onde de surcourbure. Et donc elle dissipe l'énergie de cette onde, ce qui fait que le spaghetti ne se casse pas en multiples fragments, mais en deux fragments seulement. Et donc, alors, ce qui est assez marrant, c'est que on apprend que la technique fonctionne pour différents diamètres. Ils ont essayé différents types de pâtes. Voilà, ils ont testé plusieurs diamètres. On va pas citer de marque, numéro 5, numéro 7, on a compris. Mais ça ne marche pas pour les linguinés. Absolument. Voilà. Non. Par contre, pour les spaghettoni, oui. C'est quand même intéressant à préciser. Mais alors, ce que ne dit pas l'étude, Patrick, tout de même, c'est parce que quand c'est pour un spaghetti, mais quand on a le paquet de spaghettis qu'on casse en deux au-dessus de la casserole, ça casse en deux tout de même sur le groupe de spaghettis. J'en suis pas sûr. Hein. Là, comme ça, je pense qu'il faudrait tester. Mais on va demander encore à nos auditeurs de nous envoyer des vidéos de brisures de spaghettis à domicile. Alors bon, toutes ces recherches peuvent sembler bien futiles. Hein, évidemment, on peut se dire c'est un peu comme pour les Ig Nobel. Hein, on fait souvent ce procès à certains chercheurs. On se dit mais à quoi vous servent vos subventions? Vous cassez des spaghettis? Mais en fait, évidemment, comme beaucoup d'études en apparence absurdes, elles ont de véritables applications concrètes. Donc là, par exemple, ça peut permettre de mieux comprendre comment se brise un os dans le cas d'une fracture, et puis ça peut permettre d'étudier toute structure tubulaire, en fait. L'étude des contraintes appliquées aux matériaux, voilà, est très utile, notamment dans le domaine des infrastructures, comme pour les ponts. Et le spaghetti est un outil justement pour des ponts et chaussées, précisément, un outil de simulation très intéressant. Donc ça, c'est un sujet méconnu, mais il y a des concours de ponts de spaghetti, c'est très sérieux. C'est même une institution, on peut le dire, dans certaines écoles d'ingénieurs. Chaque année, il y a des concours de ponts de spaghetti qui ont lieu dans plusieurs écoles à travers le monde. Donc un pont de spaghettis, vraiment comme son nom l'indique, hein, c'est un pont qu'on fait, une maquette qu'on fait avec des spaghettis et de la colle. La plupart du temps, le but du jeu, c'est d'essayer de créer un pont qui puisse soutenir la plus grande charge possible avec la quantité la plus petite possible de matériaux. Et donc, ça pousse les compétiteurs à réaliser de véritables prodiges, de prodiges techniques. Par exemple, il y a une compétition annuelle qui a lieu au collège Okanagan en Colombie-Britannique depuis 1983. Ce concours est ouvert aux étudiants et aux lycéens du monde entier. Et il y a un record qui a été obtenu en 2009 par Norbert Pozzoni et Alice Totivan, qui sont des étudiants hongrois. Et donc, ils ont réalisé un pont de 982 grammes. Et donc, je vous laisse deviner autour de la table combien est-ce que ce pont a pu soutenir de masse. 182 grammes, je ne sais pas, 10 kilos ? 10 kilos. Et 20 kilos. Caroline ? 3 kilos de tomates. Eh bien, ce pont en spaghetti a pu soutenir une charge de 384 kilos. Donc, on peut imaginer quelles applications ça peut permettre dans le domaine des ponts, des infrastructures, des bâtiments. Il y a aussi les applications pour les bâtiments anti-sismiques, par exemple. Donc, voilà, d'un spaghetti, finalement, on peut avoir des applications beaucoup plus importantes que ça. Il y a une école, l'École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction à Caen, qui procède régulièrement à des concours de ponts en spaghetti. Et j'ai par ailleurs un auditeur qui nous confirme que les spaghettis se cassent bien en deux en paquets, et que c'était ça à maintes reprises. Donc c'est vraiment avec un seul spaghetti, ça ne marche pas quand il y a trop de spaghettis en bloc. Et donc moi je pense que vous n'aviez jamais parlé de pont de spaghettis dans cette émission, donc je suis assez fier d'être le premier sans doute. Et vous pouvez voir beaucoup de photos, hein. Vous verrez qu'il y a des prodiges comme ça d'ingénierie. Mais moi je veux lancer un concours des auditeurs de la méthode de scientifiques qui nous envoient des photos de ponts de spaghettis, s'il vous plaît. C'est un appel que je lance la première fois depuis cette émission, depuis le début de cette émission. Envoyez-nous vos photos de ponts de spaghettis. La plus belle sera récompensée, on ne sait pas par quoi encore, mais un mot, Patrick, juste, vous reviendrez pour nous parler, parce que vous aviez l'ambition, je sais, de nous parler également de la physique de la biscotte qui retombe toujours du côté du beurre. C'est vrai. Mais ce sera, c'est vrai. Ouais. Mais on arrive au bout de cette émission. Peut-être, j'aimerais tout de même que vous nous disiez un mot, parce que vous avez une actualité chargée, foisonnante de publications. L'homme qui traversait les montagnes avec Fred Duhart, audition Jean. C'est une bande dessinée qui vient de sortir. C'est une bande dessinée qui parle de destins extraordinaires de personnalités inconnues ou oubliées de l'histoire. Et donc le 3 octobre, donc il y a un livre qui sort chez Flammarion, Nanofiction, qui est un recueil de fiction. Et je pense que je ferai sans doute une fiction sur la mémoire dont on parlait tout à l'heure. Sur les injections de mémoire. Les injections. Et j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps de ça, vous avez reçu Bruce Benhamran sur le plateau. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui, ça fait un petit bout de temps. Bon, juste, j'en parle parce que c'est un super vulgarisateur. Vous avez reçu Léo Grasset aussi. Absolument. Et donc, à la fin du mois, à Avignon, je co-organise un festival, Frames, qui va donc recevoir beaucoup de vulgarisateurs scientifiques, dont Bruce Benhamran, dont Léo Grasset, et donc beaucoup d'autres. Dirty Biology. Exactement. Donc voilà, c'est les 29 et 30 septembre. On peut dire aussi les camarades Sébastien Carassou, Florence Porcel, Fanny Alouis. Florence Porcel sera là. Sébastien sera peut-être là en visiteur. D'accord. Mais en tout cas, voilà, c'est le 29 et 30 septembre à Avignon, le festival Frames. Eh ben, on va mettre ça sur la page Facebook, pas du tout, le fil Twitter de l'émission @ la méthode FC. Vous voyez, j'en perds ma pasta physique. Un mot, il y a d'autres choses, Sylvain Guilbault, que vous aviez repéré, dont vous vouliez nous parler. Ah, en tout cas, que je vais suivre attentivement, et c'est l'arrivée de mascotte sur Ryugu. Alors là, on est encore dans l'espace, mais cette fois un peu plus proche de la Terre. Il y a la sonde Hayabusa 2 qui est arrivée près d'un astéroïde qui s'appelle Ryugu, et elle va lancer un petit atterrisseur sur cet astéroïde. Il va y avoir des tests la semaine prochaine, et si tout se passe bien, ça aura lieu début octobre. Voilà, c'est un peu le petit Philae bis qui s'était posé sur Rosetta. Et ben là, c'est encore un beau projet d'astrophysique pour tenter d'en savoir plus sur les astéroïdes. On va suivre ça avec attention. Caroline, dernier mot. Eh bien, le site de Science et Vie, tout nouveau, d'accord, tout neuf. Radicalement changé, avec des interviews de chercheurs. Là, on a Walter Longo, par exemple, le pape du jeûne. Cette technique qui consiste à manger moins pour vivre plus ou mieux, voilà, qui répond en exclusivité à nos questions. Et plein d'autres choses qui attendent sur le nouveau site. Et ben, on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter également. Donc, Science et Vie, Mémoire, on a découvert les molécules des souvenirs. C'est dans vos kiosques, la recherche, pédagogie et neurosciences. Les limites, les réussites sont les deux numéros du mois de septembre. On vous met également tous les liens vers les ouvrages de Patrick Beau et vers son site Axolot. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Tom Humdenstock, Céline Lozen, Dave Etienne, Antoine Beauchamp, Nominé Guetzin, Vulfran, Natacha Triou, dont c'était le premier journal des sciences, Olivier Bétard à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, lundi, nous parlerons des nouvelles pistes de recherche autour de la maladie d'Alzheimer, mardi, de la sonde qui va s'approcher très très très près du soleil, mercredi, de ce que Wikipédia a changé à notre rapport au savoir, jeudi, nous recevrons Christine Petit, qui a été récompensée récemment pour ses travaux sur l'audition, et vendredi, nous irons étudier la science-fiction sur les bancs de la fac. Voilà, ne ratez pas Étienne Klein demain à 16h, nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.